Vous êtes dans la zone 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Justine Renaud sera là pour nous présenter un album qui a marqué dans Justine aux platines. Stéphanie Paradis nous fera écouter de la musique mais un petit peu plus récente dans son segment Le Poste d'écoute. Et on se procurera toute une gamme de produits dans 5 épisodes de répondre là. Assemblage requis commence tout de suite. Ok, attention, dans 5 secondes. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 5 mars 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Je sais pas si je vais te dire les décomptes à chaque bloc, parce que des fois, j'ai tendance à oublier, mais j'oublie bien des choses. Par exemple, cette nuit, ma copine m'a dit, en me levant ce matin, tu sais, j'avais l'air fatigué, genre, elle me dit, ben peut-être que si t'étais pas réveillé à 4h du matin pour flatter le chat... Ça arrête. Ouais? Je m'en rends pas compte. Je me suis réveillé cette nuit pour flatter mon chat. Serais-tu somnambule par hasard? Je pense que je flatte en bulle. Ou petit câlin en bulle de chat. Mais là, moi. Ah, ça, c'est bizarre. Je sais, mais elle me dit, elle me croit pas. Je dis, ben, je m'en suis pas rendu compte. Elle me dit, ben non, c'est sûr que tu le sais. Voyons donc, t'es à 4 heures du matin, tu flattes le chat. Comment? Tu sais. Non, je ne m'en rends pas compte, je dors à ce moment-là, chérie. C'est quand même très drôle. Moi, je trouve ça très cocasse, ouais. Oh. Je me lève pas à 4 heures du matin pour coller ma blonde. Ben, je me lève à 4 heures du matin pour coller mon chat. Ben oui. Bref, bienvenue à vous, bienvenue à toi, Stéphanie, bien sûr. Hey, prompt matin. Prompt matin, en effet. Ce matin est très prompt. On n'utilise pas assez le mot prompt, hein, fait que tu t'es dit, on va l'utiliser à d'autres essiants. En fait, un autre mot qu'on n'utilise pas souvent, essiants, d'ailleurs. En fait, je suis en train de me demander, prompt, là, je pense pas que c'est synonyme de bon. Non, je pense que c'est synonyme de rapide. C'est ça, exact. Fait que rapide matin, ça veut rien dire, finalement. Non, les gens sont pressés, tu sais. Ah, donc, OK. Ben, prompt, je te dirais, prends une semaine. Je te souhaite qu'elle passe vite ta c'est semaine, bon. Mathieu. Ça, c'est fin. Prends une semaine. C'est apprécié. Prends une semaine, toi aussi. Prends une semaine. Ben, c'est féminin de prompt, non? Si tu le dis, hein, rajouter un E, ça change toutes les lettres du milieu. Pour la prononciation. Ben, ça ferait prompte semaine. Aujourd'hui, à l'émission, on va avoir Justine Renaud, mais dans une case horaire spéciale. D'habitude, elle est à 7h30. Là, on va l'avoir à 8h30 pour sa chronique Justine aux platines. Ben, je la comprends. J'imagine qu'elle voulait dormir. C'est la relâche. En fait, c'est exactement la raison. C'est exactement ça. J'aurais dû faire pareil. Si on avait le loisir de commencer alors que ça nous tente. Ah, oh, ça serait si simple. Cette émission de début d'après-midi, entre 3 et 5, mettons, on dit ça de même au hasard. Début d'après-midi. Pas mal rendu, quasiment à l'heure des palmarès. Ouais, là. C'est ça, c'est milieu, mettons. Alors, on va faire à 9h16, mais ça devrait répondre là, la collée de gadgets inutiles. Donc, on va se procurer un paquet de produits. Alors, on va aussi faire le poste d'écoute avec toi, Stéphanie Paradis, vers, d'après moi, ça risque d'être à 8h. OK. Mais on va voir. OK. Oh, yeah. Hein, donc, on va écouter les Pine Tarts. Je suis prêt. Bien prête, avec ton CD entre les mains. Oui. Si je te le pousse par là-bas, mais il va tomber. mais on va débuter avec Arrête avec tes questions. Ah! Oh, oui! Tu vas m'instruire? Ben, je vais m'instruire en même temps. Hein. C'est pas moi qui invente ces informations-là quand même. Donc, on va faire ça dans quelques instants. Avant ça, on débute en musique avec une petite chanson de Monogrenade. Pourquoi pas? C'est Métropolis. C'est juste parfait pour débuter une journée, ça. Sur C'est fou. Prompte émission. Belle. On a déterminé que c'était pas ça que ça voulait dire le mot, mais on laisse passer quand même. Okay? La pièce Métropolis de Monogrenade, assemblage requis sur C'est fou. C'est fou. En anglais, c'est fou, W-H-O, comme dans Qui c'est ça? You know? C'est une question. Fait qu'arrête donc avec tes questions! Ah non, on ne peut pas tout savoir, mais on peut essayer d'en apprendre le plus possible dans un certain laps de temps, c'est-à-dire notre vie. Genre. OK. Même ça a l'air bizarre. Mais c'est effectivement le plus long laps de temps qu'on peut vivre. C'est ça, le potentiel, le plus gros potentiel. Ouais. Bref, est-ce que tu as des questions, tu penses, à me poser, toi? Ou, non, c'est moi qui vais me poser tout seul, hein? C'est ça, je ne l'ai pas dit à la base. Ben, je peux t'y poser en anglais. Ben, essaye, foi. Non. Okay. Je suis sûr que tu te demandes, pour commencer, pourquoi est-ce que ton nez bouche d'un côté à la fois? Ah? Tu te demandes ça. Ben, ça doit être un réflexe du cerveau, là. Il dit, c'est bien beau être bouché, mais faut, je veux pas manquer d'air, moi, là. Ben, c'est mieux que ça, en fait. C'est une réponse automatisée, mais pas de ton cerveau, c'est de ton système, le système nerveux central autonome. OK. Dans le fond, c'est que chacune de tes narines sépare la job de en deux. De tes quoi? Chacune de tes narines. OK. Qu'est-ce que j'ai dit? Ben, narine. Moi, je trouve ça drôle. Narine? C'est quoi? C'est narine? Ben, tu ris de mon accent, fait que je peux bien rire du tien. Tu fais bien. Tu fais bien. On rit chacun des autres. Donc, chacune de tes narines se sépare le travail pendant la journée. Donc, chacune doit prendre une pause donc pour faire la congestion et la décongestion de ton nez. C'est ce qu'on appelle le cycle nasal. Donc, à n'importe quel moment donné, quand tu respires, donc la majorité de l'air va passer dans une narine, sortir de l'autre, mais ça va être beaucoup moins d'air qui va passer d'un bord que de l'autre. Donc, à chaque quelques heures, ton système nerveux central qui s'occupe de ton battement de cœur, ta digestion, d'autres choses que tu contrôles pas consciemment, les choses qui se passent toutes seules sans que tu aies vraiment à y penser. Donc, à un moment donné, ça va juste changer de bord comme ça, soudainement. L'ouverture et la fermeture des passages est faite en faisant grossir et rapetisser, donc gonfler et dégonfler ton tissu érectile qu'on appelle. Ça a l'air bizarre du même, mais tissu érectile, erectile tissue. Donc, c'est la même chose, dans le fond, qui va faire que ça va faire lever ton engin masculin quand tu vas avoir des pensées. C'est ça qui s'occupe de ça. Ben, tu sais, érection, c'est assez large comme mot, là. Oui, c'est ben, large et long, dépendant. Ah, c'est donc, le cycle nasal se passe tout le temps. Mais quand t'es malade et que t'as vraiment le nez congestionné, le mucus ajouté, donc en surplus, va faire que la narine va avoir l'air beaucoup plus pognée à cause de ce gros dépôt de mucus-là. Et question bonus, pourquoi est-ce que mon nez coule quand je pleure? Quand tu pleures, donc la plupart de tes larmes, il y a des larmes en fait qui vont sortir de vos conduits de larmes dans les yeux, qui vont sortir par-dessus ta paupière, ok? Mais pas toutes tes larmes. Il y en a qui vont revenir à l'intérieur de ton œil, ils vont re-rentrer dans le conduit, si on veut, de larmes, ok? Donc à la place de sortir de ta paupière, ça va rentrer et ça va passer par les conduits, ça va sortir par ton nez. Parce que c'est tout connecté, ces affaires-là. Okay, c'est le même principe que les hommes qui vieillissent, le poil de tête en rentre par en dedans, puis ressort par le nez. C'est exactement ça. Ça m'a fait m'étouffer quasiment tellement c'est drôle. Mais oui, en effet. Non, c'est ça. Tu vas avoir des larmes qui vont couler dans ton nez. Et c'est salé, en fait, c'est ce qui va aider à déprendre le mucus. Et le faire, dans le fond, sortir de ton nez. Ah, tabarouette, c'est donc bien intéressant. C'est le fun, ouais, ça commence bien, je trouve, la chronique, tu sais. On dirait que je me sens congestionné tout d'un coup. C'est drôle. Hier, pour ceux qui étaient à l'écoute mardi matin, j'ai fait une chronique sur Mange mon cœur sur le Sinugator, un truc pour débloquer le nez. Steph, à la fin de la chronique, quand je suis arrivé au bureau, elle me dit là, j'avais pas besoin d'entendre parler que t'as des plaques de sang dans le nez. C'est juste c'est comme ça. C'était un beau moment. Bref, on parle de nez aujourd'hui et hier, cette semaine. Bref, c'est la semaine des nez. Maintenant, prochaine question. Pourquoi est-ce que les moteurs sont mesurés en chevaux moteurs, Steph? En chevaux vapeur. Chevaux vapeur, est-ce qu'on dit ça? Oui. Ah ouais, chevaux vapeur. D'accord, je savais pas ça. Bref, cette unité de mesure-là vient de l'ingénieur écossais James Watt. Watt, W-A-T-T, ça te dit peut-être quelque chose. Oh oui, c'est le gars qui a inventé la Watt là, pour se mettre des oreilles. Pour ça, les tampons, les maquillages, hein, toutes ces affaires-là, tout ça. Non, en fait, au début des années 1780, après avoir, donc, c'est ça, il y avait... Il y avait des. Il a fabriqué, ce gars-là, M. Watt, un moteur à vapeur supérieur par rapport au Newcomen Steam Engine qui existait avant. Donc, il cherchait une façon de faire du marketing pour son invention. Donc, la publicité disait que ça utilisait 75% moins de fuel, de gaz, qu'un Newcomen qui était similaire. Donc, au départ, il a essayé de vendre son moteur avec un système de ce qu'on appelle des royalties, comme on dit sûrement à tort. Donc, où le client lui devait le tiers de l'argent qu'il économisait en utilisant son moteur par rapport à d'autres moteurs. Parce que, tu sais, bon, ça prenait 75% moins, tu sais, fait que tu devais, quand tu l'achetais, tu lui devais le tiers du prix. Tu devais lui rembourser ça. Parce que Colin, tu sais, il a gagné. Parce que vrai, tu sais, que ça utilisait moins de gaz. Donc, plusieurs personnes à ce moment-là utilisaient des chevaux et non pas des moteurs à vapeur. Donc, c'est difficile de comparer les moteurs sans en avoir acheté un pour voir comment il allait performer avec l'usage que tu en faisais. Donc, il a laissé faire ce système de royalty-là. Sa solution, ensuite, était de trouver une nouvelle unité de mesure pour évidemment comparer ça avec les chevaux. Il faisait référence à ce qu'on appelle des draft horses, donc des chevaux vraiment puissants. Donc, il a commencé à déterminer comment de puissance un draft horse typique pouvait générer. On ne sait pas exactement comment il a trouvé le chiffre qu'il a trouvé, mais selon son estimé, un bon draft horse pouvait le soulever 33 000 livres de matériaux, de matériel, de un pied, okay, pendant une minute, ou encore 3300 livres de matériaux sur 10 pieds, une distance de 10 pieds, okay, pendant une minute. C'est comme ça qu'il a commencé à calculer les chevaux vapeurs. Donc, par comparaison, un moteur et un cheval. Ben, c'est un estimé très, très généreux parce qu'il y a très, très peu de chevaux qui pourraient soutenir ce genre de force, cette puissance-là pendant une longue journée de travail, une journée complète. Mais quand même, lui, il ne voulait pas avoir un chiffre parfait. Tout ce qu'il voulait s'assurer, c'était que ça ait l'air réaliste et même peut-être en surestimant, il s'assurait que son produit allait toujours être meilleur que le cheval. Mm-hmm. Tu comprends? Donc, c'est ça, son moteur à Watt était révolutionnaire et a joué un grand rôle dans la révolution industrielle. Et grâce à ce fait-là, donc son unité de mesure du travail d'un cheval versus le travail d'un moteur est devenue très populaire. Et donc ça, c'est selon todayifoundout.com qui a fait les recherches et je trouve ça vraiment intéressant. Donc Watt, c'est ça, a trouvé une mesure de ce qui allait devenir le horsepower, les chevaux vapeur. Mais il n'était pas le premier à proposer cette idée-là de faire la comparaison entre un moteur à vapeur et un cheval. La première fois qu'on en a parlé, qui est documenté, c'était par un inventeur britannique, Thomas Savery, et l'article est sur assemblagerequis.com. Ouais. Intéressant. Intéressant. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on chante « Take me out to the ball game » aux parties de baseball? Je sais pas, mais c'est en me retrouvant par hasard. Ben, pas par hasard, là, j'étais allée aux Yankees au secondaire. On s'est mis à chanter ça, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Bon, on s'est mis à chanter ça. Tu la connaissais sans l'avoir entendu vraiment? Là. Ben non, non, je l'avais jamais entendu. Non, dans le baseball, Yark, là. Non, mais tu sais, dans un film, des fois, tu peux l'avoir inconsciemment retenu un peu, tu sais. Ah, peut-être que je l'avais déjà entendu dans un film, mais je fuis aussi les films de baseball. Ben, c'est sûr! Non, mais parce que j'étais là, sur place, aux Yankees. À un moment donné, j'ai fait « Hey, ça va-tu commencer? » C'était déjà la deuxième manche. Je te le jure, là, je m'en étais pas rendu compte. C'était tellement... Tout le monde écoute, puis il se passe rien, puis il n'y a pas de bruit, puis c'est plat. J'avais pas lu un fait à un moment donné dans cet fait qui disait qu'il y avait comme l'équivalent de genre 7 minutes de jeu dans un match de baseball sur la durée au complet, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de ridicule comme chiffre, je me rappelle pas c'est quoi, là. Mais très très peu de temps est passé à vraiment jouer au baseball. Sais-tu ce que j'ai trouvé le plus intéressant de la partie? Non. À l'entracte, là, ben à l'entracte. À un moment donné, entre les manches, là. Il y a une pause plus longue qu'une autre. Non, mais c'est parce qu'ils vont racler le sol là, pour répartir le sable un peu partout. Mais les gars qui faisaient ça avec leurs espèces de balais, il y avait une chorégraphie. Ils suivaient vraiment un parcours, fait que vu de haut, ça faisait des formes par terre. C'était tellement beau. Wow. C'était le plus intéressant. C'est peu dire. En fait, c'est tout dire. Ouais. Genre. Puis un bretzel, 7 piastres US. Aïe, mais il était salé. Ça, c'est sale. un gros bretzel. C'est bon? Non, c'était dégueulasse, ça goûtait juste le sel. Et maudit. Donc, pourquoi est-ce qu'on chante Take Me Out to the Ball Game après le 7e inning, ou je sais pas trop quoi, ou pendant le 7e inning stretch d'une ligue, d'une partie de baseball des ligues majeures, bref. C'est ça, c'est Major League Baseball, évidemment, la MLB. C'est quand même récent comme pratique, se chanter Take Me Out to the Ball Game. Ça a commencé, c'est devenu une partie régulière du 7th inning stretch. J'irai même pas chercher les termes parce que ça m'importe très, très peu. Avec les White Sox à la fin des années 70, grâce à un animateur radio qui s'appelle Harry Carabina, aussi connu sous le nom de Harry Carey, ou Carey, ou quelque chose comme ça. Donc, avant, la chanson avait été chantée par quelques fans pendant différentes parties de baseball, qu'ils soient amateurs ou dans les ligues majeures, mais jamais régulièrement, jamais une heure ou période désignée de la partie. La première fois que c'est arrivé, c'était à une partie d'une école secondaire de Los Angeles en 1934. On a aussi joué la chanson avant une partie des séries mondiales ou les séries du monde, ou comment on appelle ça, en 1934, lorsque Pepper Martin et le St. Louis Cardinals Band l'a joué. Donc Harry Carey, a commencé à chanter la chanson lui-même de vive voix pendant le Seventh Inning Stretch en 1971. Et les fans qui étaient autour de l'endroit où ils diffusaient, du studio, un studio improvisé dans une partie de baseball, mm-hmm. là, c'est comme un booth plus, insonorisé. Ça doit pas être si insonorisé que ça si les fans l'ont entendu. Mais bon, occasionnellement, ces gens-là, dans la foule, chantaient avec Harry Carey. Là, il y a plusieurs gens, plusieurs façons de voir ça. Il y a une personne qui dit que Carey a refusé de chanter la chanson sur le système de son, les grandes colonnes de son dans le stade. Donc, ils ont essayé de genre, si on veut, tromper ou faire une blague à Carey en allumant son micro pendant qu'il chantait sans qu'il le sache. Oh, ça serait quand même pas pire idée. Moi, c'est un peu chiant. Donc, il y en a d'autres qui disent que c'était planifié et qu'il avait juste accepté de la chanter sur les haut-parleurs. Mais peu importe, en 1976, Carey a commencé à chanter la chanson sur le système de son et c'est devenu une tradition locale. Lorsque Carey a changé d'endroit, donc il a commencé à faire l'annonceur pour les Cubs de Chicago en 1982, il a amené sa tradition avec lui. Et grâce à WGN, qui diffusait les parties des Cubs à l'échelle nationale à la télé, tout le monde a commencé à apprécier Harry Carey et sa chanson. Et après ça, on l'a adopté dans d'autres stades. Voilà. Caroline, hein? Des fois, ça part pas de grand-chose. Exact, d'une petite équipe locale. La chanson elle-même, si ça t'intéresse, Take Me Out to the Ball Game, parle d'une fille nommée Katie Case qui veut que son copain l'amène à une partie de baseball. Cette chanson-là existe depuis 1908. Elle a été écrite par Jack Norworth, qui a écrit plus de 2500 chansons dans sa vie. La musique a été composée par Albert Von Tilzer. On dit que ces deux personnes-là, Albert Von Tilzer et Jack Norworth, ne sont jamais allés à une partie de baseball de leur vie. En tout cas, à l'époque, quand ils ont écrit la chanson, ils n'avaient jamais vu de partie de baseball. Ils ont bien fait. Ouais. Et la femme de Norworth, la chanteuse et actrice Nora Bays, était la première à la chanter en public. C'est devenu donc un succès dans différents spectacles de style vaudeville. C'est devenu une des chansons les plus populaires de 1908. Eh ben. Ah ben. T'as sûrement connu des gens dans ta vie qui portaient le nom Mac ou Mac quelque chose. Macintosh. Mac. Mac. McDonald's, ça arrive ça. Donc, l'histoire courte est que MC et Mac. MC Hammer, ça compte-tu? Je pense que c'est des initiales pour Master of Ceremonies, mais mettons que, ouais, là, Mac Hammer, comme on l'appelle, Mac Hammer. Donc, l'histoire, c'est que Mac et Mac sont des préfixes qui veulent dire fils de. Donc, dans les dossiers d'histoire à travers le temps, il y a quelque chose qui a mené à ce qu'on ait Mac et Mac, MC et MAC. Donc, MC est juste une abréviation de Mac MAC. Et les deux peuvent être encore plus abrégés, qu'on dit le mot abrégé, en M, juste M. Ce serait aussi acceptable de s'appeler juste M. Donald, mettons. Donc, le mythe voulait que le nom Mac MAC parlait de l'héritage donc écossais, alors que MC voulait dire irlandais, et ça, c'est complètement faux. Et ça peut être utilisé, il y avait d'autres gens qui pensaient que c'était par rapport à la religion, mais les deux peuvent être utilisés dans les deux cas. Donc, quelqu'un qui a le nom de famille de MacDonald, MAC, est un petit peu comme quelqu'un qui aurait le nom de famille de Johnson. Donc, probablement que ses ancêtres avaient tous le nom de Donald ou John. Donc, à l'époque, c'était plus facile de différencier les gens qui avaient le même nom en les appelant aussi par le nom de leur père. Donc, Johnson MacDonald, mettons. C'est comme ça que ce surnom-là est devenu très populaire. On peut voir donc des MC et des Mac qui ont une deuxième lettre majuscule capitale. Donc, étant donné que les noms de famille, des noms propres sont capitalisés, donc avec une majuscule, on écrirait « Son of Donald » avec un D majuscule. C'est donc devenu « Mec Donald » avec un D majuscule parce que Donald est un nom propre. Ah. Tu vois. On peut aussi, par contre, de nos jours, écrire, on le voit souvent, « McDonald » avec un D minuscule. Ça arrive aussi. Donc, il y a des noms qui étaient dans la famille depuis des années et ils ont décidé de le changer eux-mêmes. Il y a des familles qui choisissent de changer le nom pour rendre la chose plus simple à écrire et eux-mêmes ont pu enlever la majuscule. Certains noms qui commencent par Mec et Mac n'incluent pas le nom du père, mais plutôt la profession du père. C'est pour ça qu'on a souvent McMaster. Donc, le père de John McMaster était probablement un maître de quelque chose. Donc, il est le fils d'un maître. Et maître n'est pas un nom propre, donc on ne met pas de majuscule. Ah. Ça, c'est intéressant. D'autres noms qui débutent avec MC et Mac, peuvent parler d'une caractéristique physique de la personne. Par exemple, le nom de famille McIlboey, qui veut dire fils d'un homme blond. Michael Bowie, c'est le frère à David Bowie. Probablement. Le frère blond de David Bowie. Sinon, un prénom très populaire depuis, en tout cas au moins le début de la décennie, Mackenzie, M-A-C-K-E-N-Z-I-E. On le voit souvent, Mackenzie. Ironiquement, on le voit comme prénom pour des filles, mais ça veut dire fils d'une personne qui est juste. Ah, mais ben, OK. C'est le fils. Ah, il devait pas savoir ça. Non, probablement pas. Il y a aussi un préfixe pour fille de. OK. Et ça, évidemment, c'est plus à la mode, mais c'était NC, qui est du gaélique, qui veut dire Nigian Mick. Je n'ai aucune idée comment le prononcer, mais bon, c'est donc NC. Des noms de famille comme Nick Donald étaient populaires au 17e et 18e siècle, donc NC Donald, mettons. Hein, puis pourquoi ça n'a pas continué? Je sais pas, ben c'est peut-être moins. Ça se dit moins bien, Nick Donald, on va dire. Non. C'est ben quand même cute, non. Nick Donald. C'est bon. Bon, c'est encore un truc de sexisme. Oh, sûrement, le masculin l'emporte. Il y en a un autre. Déjà, je trouvais ça intéressant. Ouais. Même, mais imagine, ça va encore plus loin. Il y a aussi VC. Vic, qui voulait dire arrière. Ben, il y a du WC aussi. WC, comme les toilettes. grandson. Grandson, c'est petit-fils, je crois, ou arrière-fils. Bref, Vic. VC. Donc, Vic Donald. John McDonald Vicmaster. Pourrait exister aussi si le père s'appelait Donald et que t'es un gars, donc t'es McDonald. Et Vic, parce que t'es le petit-fils d'un maître, donc tu s'appellerais John McDonald Vicmaster. On se comprend? Oui, oui. C'était incroyablement populaire. Non, cette deuxième tradition-là, celle dont je viens juste de parler, n'était pas très populaire. Et bref, ça n'a pas duré. L'autre avant l'était pendant le 17e et 18e siècle pour les jeunes filles. Bon, on s'entend-tu? Il faut que tu connaisses ton arbre généalogique au complet, là. Ben, c'est parce que ça devient long, là, quand tout le monde est enfant de quelqu'un d'autre. T'es quelqu'un d'autre encore. Mais ça a arrêté à petit-fils, je crois. On dirait le début de la Bible, là. Chose bin a engendré chose bin qui a engendré chose bin. Ah, tellement. Donc, ces surnoms-là, ces noms de famille-là ont vécu beaucoup de changements à travers les années. Donc, Mac est devenu MC, comme on l'a dit. Certains préfixes ont été abandonnés complètement. C'est arrivé avec plusieurs Mac et Mix qui ont immigré de d'autres pays. Et d'autres ont changé leur nom pour les rendre plus faciles à prononcer. Par exemple, plusieurs McDonald's sont devenus des Donaldson. Donald, ah. Son, fils ben, de. Oui. On se comprend. Maintenant, dernière question à se poser dans Arrête avec tes questions, c'est pourquoi est-ce qu'il y a seulement 28 jours en février? C'est pas parce qu'une année, c'est genre 365 jours et un quart. Non, ça, c'est pour l'année bissextile. C'est exact. Je le sais pas. Non, tu sais pas. Je vais t'en parler. C'est un petit peu plus compliqué que ça en avait l'air avant que je lise l'article, mais je trouvais ça intéressant vu qu'on vient d'embarquer dans le mois de mars. Donc, certains croient que février avait 29 jours et que Augustus César a volé cette journée-là pour pouvoir l'ajouter au mois d'août, Auguste, qui était nommé en son honneur. Mais ça, c'est un mythe. Ben, tu sais. Ça aurait pu quand on même. On voit bien que c'est louche, là. C'est lourd. Donc, février a 28 jours parce que pour les Romains, ce mois-là était vraiment pas important. C'était comme un mois genre qu'on oubliait complètement. Au 8e siècle avant J.C. Lauzon, le calendrier de Romulus avait 10 mois. Et on commençait l'année au mois de mars avec l'équinoxe du printemps. Et l'année se terminait en décembre. Les mois de janvier et de février n'existaient pas à l'époque. Donc, les mois, je vais vous les dire... En ordre, ils vont faire 31-30, 31-30, 31-30, 30, 31-30, 30. Et les mois étaient Martius, Aprilius, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, November et December. C'était bon, hein? Oui. Donc, si on ajoute, additionne ces chiffres-là ensemble, ces nombres-là, on va avoir un problème. C'est que l'année ne faisait que 304 jours. Et à l'époque, l'hiver n'avait pas de nom. Donc, cette période-là, sans moi, personne n'était intéressé par ça. Les gens qui faisaient la moisson, etc. Ça, c'est le NEC plus ultra et etc. mis ensemble, c'est le etc. Donc, ils utilisaient ce calendrier-là comme pour savoir, ben, tu sais, quand même, où on est rendu par rapport à leur plantation, etc. Donc, pour eux, l'hiver était juste complètement inutile. Ça valait même pas la peine d'être compté. Donc, pendant 61 jours dans l'année, les Romains demandaient quel mois est-ce qu'on est, dans quel mois est-ce qu'on est. Et tout le monde disait, ah ben, dans aucun mois. Ben oui! Dans aucun moment, on est juste entre les deux, là. C'est comme la marque No Name. No Name Brand. Donc, le roi Numa Pompilius trouvait ça stupide. Ben, un roi qui a du sens. C'est brillant. Bravo, hein? On devrait lui remettre une médaille. Donc, pourquoi avoir un calendrier si on est pour négliger un sixième de l'année? On s'entend là-dessus. Donc, en 713 avant J.C. Lauzon, il a aligné le calendrier avec les 12 cycles lunaires. Lunaire, la lune. Hein? Ça fait environ 355 jours. Il a introduit le mois de janvier et de février, januari et février. Ces mois-là ont été ajoutés à la fin du calendrier. Donc, février était le dernier mois de l'année. Mais, okay. Mais aucun calendrier romain serait vraiment complet ou ce qu'il devrait être sans un petit peu de superstition, évidemment. Ah, okay. Donc les Romains croyaient que les chiffres pairs étaient malchanceux. T'sais, là, on revient au roi, okay. Il a eu une bonne idée, mais après ça, il l'a gâché avec des superstitions. Ben oui. Donc, Numa a essayé de faire que chaque mois serait impair. Okay? Mais pour se rendre à son quota de 355 jours, un mois devait être un chiffre pair. Donc, février a eu la courte paille, si on veut. Probablement parce que c'était le dernier mois de la liste, donc il était pas aussi important que les autres. Donc, ils se sont dit, si on doit faire un chiffre pair et être malchanceux pendant un mois, assurons-nous que ce soit le plus court des mois. C'est vraiment littéralement ce qui s'est dit. T'sais. Si pour avoir un mois malchanceux, on va faire que ça va être le plus court et le moins important. Wow. Donc, bien sûr, un calendrier de 355 jours a quelques petits problèmes. Après quelques années, les saisons et les mois se désynchronisaient. Ben oui. Tu te retrouvais que t'étais plus dans la bonne saison. Ça. Donc, pour garder les choses correctes, les Romains allaient à l'occasion ajouter un mois qu'on appellerait de nos jours bissextile, mais à l'époque, juste un mois comme ça. Un mois bissextile. Mais un mois bissextile à l'envers, un mois de 27 jours. Pas de 29 comme d'habitude. Tu sais, une année bissextile, t'aurais un mois bissextile qui a 29 jours. Oui, mais il existe déjà ce mois-là. On le rajoute pas chaque année, on rajoute une journée. Non, on parle à l'époque, là. À l'époque, il a décidé de descendre ça. Ben, regarde, je vais te dire exactement comment ça se passait. À l'époque, les jours dans le calendrier, c'était 31, 29, 31, 29, 31, 29, 29, 31, 29, 29, 29, 28, quand on a ajouté le mois de Februarius. Donc, les mois étaient Martius, Aprilius, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, November, December, Januarius et Februarius. T'as compris? C'est compliqué, hein? Donc, il a décidé d'ajouter un mois bissextile de 27 jours qui s'appelait Mercedonius. Les Romains, alors, effaçaient les derniers jours de février et commençaient ce mois bissextile le 24 février. Donc, le 24 février, ils passaient au mois de Mercedonius, quelque chose comme ça. Hey, souvent, quand ils ont rodé leur calendrier, ça devait être mêlant un petit peu. Hey, je veux pas être la compagnie qui faisait les agendas à ce moment-là. Oh. Imagine Facebook, t'es tout mêlé. Bon. Donc, ça a causé des maux de tête partout. Le mois bissextile était ce qu'on appelle inconsistant, c'est-à-dire qu'il était pas consistant, surtout parce que les hauts prêtres de Rome déterminaient quand il allait avoir lieu. Donc, c'était vraiment les prêtres qui déterminaient, bon, ben là, on va en mettre un. Ça devrait se réarranger après ça, on va en mettre un là. Donc, on en met un autre là. C'est ça. Non seulement est-ce qu'ils ont inséré Mercedonius un peu n'importe comment dans le calendrier, mais les prêtres, qui étaient des politiciens à l'époque, abusaient de leur pouvoir, OK? Ils abusaient de leur pouvoir et ils utilisaient le calendrier pour rendre leur terme, donc, dans le fond, le temps qu'ils passaient dans leur poste, plus long. Et ceux de leurs amis, ils les coupaient, ils leur donnaient un moins long terme en disant, ben, tiens, voilà ton mois qui va durer juste 24 jours ou genre quelque chose comme ça. N'importe quoi. Donc, César a laissé tomber ce mois, entre guillemets, bissextile, a fait une réforme du calendrier encore une fois, et pour remettre, et là, ça, c'est vraiment, vraiment fascinant, à mon avis, pour remettre Rome sur la bonne piste. L'année 46 avant J.C. Lauzon a duré 445 jours pour pouvoir, après ça, reprendre un bon rythme de vie. Donc, César a aligné les calendriers avec le soleil, a ajouté quelques jours pour que tout s'additionne et fasse 365 comme ça devrait. Donc, février, qui, à ce moment-là, était au sommet du calendrier. Donc, il s'était revenu comme janvier, le premier mois, février ensuite, et non pas février, qui était le dernier mois. Donc, il a gardé février à 28 jours pour réussir à faire un compte de 365 jours par rapport au calendrier qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est grâce à César qu'on a le calendrier qu'on a là, et non pas Martius Aprilius Quintilis Sextilis. Ouais, c'est spécial, hein? Je trouve ce sujet-là fantastique. Ben moi, je pense que le mois qui devrait durer 28 jours, c'est le mois de novembre. Oui, il est long. C'est parce que le mois de novembre, là, tout le monde le sait, c'est le temps de la déprime, c'est gris, c'est laite, c'est plate. Ça avancerait Noël de 2 jours, puis ça ferait mon affaire. En même temps qu'on raccourcisse pas le mois de décembre, parce que là, qu'il y a le calendrier de l'Avent. Oh. Ouais. Voici A Ballader, A Life Like This. Vous êtes dans la zone 89.1. Des fous dans tes oreilles. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mercredi 5 mars 2014. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Ouh! Justine Renaud est arrivée, elle s'en vient tantôt et ses chroniques fabuleuses, Justine aux platines. Mais elle est pas prête. Elle est pas prête encore. Donc, avant de retourner dans le passé avec la musique de Justine de quand elle était jeune, on va arriver dans le présent, presque même dans le futur, parce qu'on reçoit des CD à l'avance, des fois, on sait pas. Donc, voici le poste d'écoute d'Assemblage requis. Poste d'écoute! Yeah! Donc, aujourd'hui, Mathieu, sais-tu de quoi je vais te parler? Pente. Ah, c'est même pas vrai, tu le sais, t'as le CD des mains. Des tartes. Je vais me parler de tartes de sucre. On parle du groupe Pint Tarts et de son dernier album, Wolves Name the Moon. Donc, Pint Tarts, c'est un groupe originaire de Calgary, en Alberta. Il est formé de Jesse J, Chris Bell, Leslie Bell, Mathieu Blanchard et Jessica Palmer. Donc, on dit deux, OK, c'est un peu spécial, là. On dit deux qu'ils sont à la recherche de sons pour remplir les cœurs d'amour et de feu. Ils veulent des petits shows, pas des gros. Et ils veulent boire du vin dans les stationnements avec les spectateurs après leurs prestations et sauter dans des lacs avec tous les beaux garçons et toutes les belles filles qu'ils rencontrent. Ils ont des rêves très précis, je trouve. C'est vraiment sûrement du vécu, déjà, j'imagine. Probablement. Ouais. Donc, le genre de musique que nous présente Pint Tarts, eux, ils appellent ça du fuzz pop. Fuzz pop? Fuzz pop. OK. Comme du petit poil du fuzz, là, c'est fuzz? C'était pour... C'est lounge. Ouais, c'est lounge. Non, c'est pas lounge du tout comme musique. Donc, on va y aller tout de suite, sans plus attendre, avec la première pièce de Pint Tarts, et c'est Young Summer. Dans le poste d'écoute d'Assemblage requis. Young summer, I saw the beauty. décroche le poste d'écoute. Entendre Sweet Tooth de Pine Tarts. Point. Sweet Tooth que j'ai choisi juste pour le nom. Dans sucré. On sait, ça me rejoint beaucoup. Le chocolat. Ça parle de moi. En tout cas, juste le titre, je vais pas tant écouter le reste. Ça parle de nous, tu peux m'inclure là-dedans. J'ai la dent sucrée aussi. Ah, OK. Et pour ouvrir le bloc, on a entendu Young Summer. Vous êtes toujours au poste d'écoute. Et on écoute un peu l'album de Pine Tarts et c'est Wolves Name the Moon. Mm-hmm. Donc, le groupe a sorti son premier single, The Fire Escape, en 2005 et son premier maxi en 2007. Donc, le premier album de la formation est sorti en 2008 sous le titre Faux Fauve. Ben oui, Faux Fauve. Donc, c'est un titre en français. Donc, il y a quand même quelques chansons francophones sur l'album, ce qui est quand même cool. Avec la fille avec son petit accent anglo, là, c'est vraiment cute. C'est Albertin, comme tu as dit. C'est ça, Calgary en Alberta, je pense. C'est ça. Okay. Ensuite, Two Moons est paru en 2010 et finalement World's Name the Moon en 2014. Ça, c'est ma supposition parce qu'on vient de recevoir l'album assez fou, mais il n'y a absolument rien d'écrit sur la pochette. Ben, là, c'est un peu basic comme album. Disons qu'il ne se passe pas grand-chose côté visuel et graphisme. Non, c'est indépendant. Là. Ils n'ont pas de label. Là. C'est très, très rose avec une photo du band qui joue devant et derrière. Et ça dit qu'il y a un vinyle dessus. C'est pas nous? Wow. Mais c'est sûr, c'est très rose aussi parce que mon post-it que j'ai mis dessus est rose. Ça vient beaucoup accentuer le rose. Wow. Mais non, j'ai fait ça exprès. Là. T'es conséquente pas mal. Quand même, hein? Mm-hmm. Donc, on poursuit encore, toujours avec Pine Tarts quand même. Là. Je vais pas vous faire jouer d'autres choses puis vous mêler. Là. Donc, on s'en va entendre Meeting Girls and Boys. Dans le poste d'écoute d'Assemblage Rock. Left hand, you are in the future. êtes toujours au poste d'écoute à Assemblage Requis. On vient d'entendre la pièce Cascade. C'est ça, Mathieu? Cascade! Allez hop, Cascade! Je trouve pas ça beau. Allez hop, Cascade! Et pour commencer le bloc, on a entendu Medicine Girls and Boys, toujours de Pine Tarts. Miam! Ça donne le goût de manger. Tu sais, les petits bonbons, là? Oui, c'est ça. C'est comme surette, les Pine Tarts. Hein, je pense c'est ça, les petits bonbons, là. Ben, il me semble que c'est même ça s'appelle. Je pense que oui, moi. En tout cas, ça finit par tarte. Ça finit par tarte. Ouais, c'est bon. Voilà, start me up. Tu sais, comme la chanson de start me up. Mais ça, Justine, elle me souffle quelque okay, chose, mais je peux pas lire sur ses lèvres. Elle a du bagel dans la bouche. Je lui donne le pouvoir de la parole, Justine. Sweet tart. Sweet tart. Sweet tart. Oui. Tellement. Mais c'est plus drôle, start me up. Donc, c'était ça pour le poste d'écoute, hein? Ben oui, le poste d'écoute, là où je fouille dans les arrivages assez fous. Oui, on fait ça aux deux semaines, le mercredi. Donc, soyez-y à Assemblage Requis. Autour de la pause, on l'a entendu, elle a maintenant le pouvoir de la parole, donc elle va pouvoir parler pendant toute la publicité. Moi, je pense qu'elle devrait faire parler son bagel, elle plie en deux, là, puis... Fais pas ça, tu vas mettre des miettes ça sur ça va faire des graines, les gars. Ouais, pas dans ton ordi, ce serait comme poche dans le clavier. Donc, on retourne Justine aux platines, restez là. Puis des graines, des bagels. Dans tes oreilles. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Bon, on est toujours à Assemblage Requis en ce mercredi 5 mars 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Stéphanie Paradis. Pas radis, mais t'es radis pour la prochaine chronique. Radis Radigo. D'habitude, t'es pas radis parce que, ben, tu sais, Stéphanie Paradis, ça le dit dans le nom, là. Mais aujourd'hui, je trouve que t'es particulièrement radieuse. Radiant. Radiateur. Je sais plus. Qu'est-ce qui commence par radis? Radipeux. Tissu radipeux. Voilà, on a trouvé la bonne réponse. Tissu très radipeux. Si seulement c'était quelque chose qu'on pouvait acheter, il faudrait trouver quelque chose qu'on peut acheter qui commence par radis. Ben, des radis. Finalement, des radis. Mais c'est pas bon. Non, mais ça coûte pas cher. Fait que pour le budget, hein. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Radis! Ça existe, mais ça ne devrait pas. Non, ça ne devrait pas. Ça devrait pas. C'est la chronique où on vous présente des gadgets inutiles complètement. Et Stéphanie, je sais que ton portefeuille est illimité. En fait, je vais te donner le mien. Donc, littéralement, tu as l'argent pour tout acheter ces gadgets. Mais c'est très drôle. Les gens nous regardent. Je dis, hey, Mathieu, donne-moi ton portefeuille. Là, les gens pensent sors, que. Bah oui, mais. Et tout le monde trouve que t'es bien dompté, mais dans le fond, c'est juste parce que je veux rentrer dans le bureau. T'sais. C'est ça, c'est que tout le monde a besoin de ma carte parce que tout le monde oublie sa carte. Mais bon, quand même, ça me fait plaisir. Commençons notre collègue de gadget avec un case de téléphone. Vous allez me dire, mais Colin, j'en ai 15 cases. J'en ai une case de case, certains diraient. Non, moi, j'en ai. Ah, de téléphone, honnêtement, j'en ai pas. Mais mon iPod, oui. Parce que je l'ai payé beaucoup plus cher que mon téléphone. Ton iPod Touch, oui, est d'une quelques coches au-dessus de ton vieux Android des années 2010. 2011, je crois. Ben, c'est dans les années 2010. Commençons donc avec un case pour téléphone cellulaire pour iPhone, en fait, mais avec de l'encre électronique. Tu connais peut-être le principe de l'encre électronique, un petit peu non. Comme les livres Kindle et autres, les livres électroniques. Les Kindle Surprise? Non, c'est drôle. Mais non, c'est les livres électroniques qui rafraîchissent la page et que tu peux mettre un paquet d'infos. Qui est le raccourci d'information, on sort plein de temps là-dessus. Donc, tu peux mettre ça sur de l'encre électronique. Même chose pour un case de téléphone, c'est la compagnie Oaxis qui produit un case pour l'iPhone 5 et le Samsung Galaxy Note 2 avec un écran de papier électronique de 3,5 pouces de diagonale, donc à l'arrière du case. Ça se connecte via Bluetooth et ça sert d'écran auxiliaire. Donc, en utilisant une application spéciale, ça vous permet de contrôler un deuxième écran pour afficher des images, des notifications, des rappels, calendrier, Twitter, etc. sur l'écran à l'arrière de votre téléphone, dans le fond, sur votre case.

Un gros double block de chansons. On vient d'entendre Vice étrange d'Ariel. C'était des chansons pour ceux qui suivent pas l'anglais. Avant, on a entendu Pie Pie et Pagan Day, la pièce titre de leur plus récent album. Mais c'est là-dessus que se termine Some Simple Required. Assemblage requis, voilà. On remercie Justine Renaud. Merci, Justine. Yeah, t'es fine, elle vient juste de partir, Justine sa chronique. Justine et ses pectines. Justine et ses pectines, c'est le nouveau nom dorénavant. Sinon, ben demain, à l'émission, on va voir François Landry pour parler de politique dans le Gocrassie 101. Son titre aujourd'hui, c'est « Aux urnes », ben demain. Stéphanie et moi, on va se mettre les choses dans la bouche avec la bouffe de la semaine. Et nos chroniques maison seront les instructions d'assemblage et le bloc pub. Et je crois que si tout va bien, on devrait avoir le temps pour une autre petite chronique. Ça devrait répondre le bonus. Yeah! On va essayer de tout faire ça demain. Essayez. Donc, soyez là entre 6h30 et 9h30 en direct à 7h30. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, à 11h, évidemment, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. En après-midi, moi, je vais être de retour à 16h pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Marie-Ève Picard va aussi être de la partie. Soyez-y. Sif.ca pour la programmation complète, la programmation, etc. etc. Sur assemblagerequis.com, il y a les notes de l'émission, les balados de diffusion, du texte, des caractères gras, italiques des fois. Rarement du souligné, sauf les liens. Non, même pas les liens, sont même pas soulignés. Des chiffres, des lettres. Oui, consonnes, voyons. Il y a des triangles. Oui. Ouais. Des flèches. T'as-tu dit des flèches? Il n'y a pas de flèches. Il y a des flèches. Des triangles. Non, c'est des flèches qui pointent les heures de diffusion des émissions, t'as-tu vu? Les heures? Moi, ça fait comme tout, plop, petite flèche. Où ça? À côté des heures d'émission. Ben, sur la page principale, assemblagerequis.com. C'était peu gère. Ah, t'as raison, c'était sûr. Non, t'as raison, c'est une ligne, c'est même pas une flèche. Ben ouais. C'est moi qui l'ai fait le site en passant. Moi, c'est bien mon gars. Ça, je me rappelais pas. Ouais, ouais, ouais, non, en fait, c'est comme des demi-carrés. C'est fait pour pointer, mais en fait, il n'y a pas de bout de flèche. Je sais qu'il y a un calendrier avec les chroniqueurs pour ceux qui se demandent quand va être quelqu'un. Fiez-vous pas trop nécessairement parce que Justine... Quand va être quelqu'un? Toute une question, ça. En particulier. Tu as les heures de diffusion, oh, des émissions. Il y a émissions. Des bulles. Il y a des bulles, ouais. Il y a un logo de C'est fou aussi. Des MT haut-parleurs. Il y a du sable parce que ça date de l'été passé quand j'ai changé l'entête. Fait que il y a du sable. Bonne journée, Stéphanie Paradis. Ouais, je le changerai éventuellement. Stéphanie Paradis, merci. Merci Mathieu Plante. À demain. On avait tellement de fun sur la plage que le sable est encore dans mes culottes. C'est pour ça qu'il y en a encore sur leur tête.